l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière. Et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Mais voici qu'après tant de haine, fils d'Ismaël et fils d'Israël, libère d'une main sereine une colombe dans le ciel. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et l'olivier retrouve son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui reposait sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Et par-dessus les barbelés, le papillon vole vers la rose. Hier on l'aurait répudié, mais aujourd'hui enfin il ose. Requiem pour les millions d'âmes, de ses enfants, ses femmes, ses hommes, tombés des deux côtés du drame. Assez de sang.